Bienvenidos. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Salut à tous et bienvenue dans ce Toiles et Sillons spécial. Toiles et Sillons que vous retrouvez à la radio, mais aussi sur internet, sur toilesetsillons.fr, où vous pouvez retrouver cette émission dès qu'elle aura été diffusée, et également le podcast, les téléchargements, l'écoute en ligne. Tout est sur toilesetsillons.fr et sur la page Facebook de l'émission Toiles et Sillons. Toiles et Sillons spécial aujourd'hui consacré à John Williams. John Williams associé à Steven Spielberg, mais aussi à d'autres succès du cinéma américain. Je vous propose de passer une heure en compagnie de John Williams et de tous ses héros. C'est parti. Somewhere in space, this may all be happening right now. 20th Century Fox and George Lucas, the man who brought you American Graffiti, now bring you an adventure unlike anything on your planet. Star Wars. Here they come. Coming too fast! The story of a boy, a girl, and a universe. It's a big, sprawling space saga of rebellion and romance. It's a spectacle, light years ahead of its time. I am C-3PO, human cyborg relations, and this is my counterpart, R2-D2. Hello. It's an epic of heroes. Villains and aliens from a thousand worlds. Star Wars, a billion years in the making. And it's coming to your galaxy this summer. Scared of, Dave? Me? Afraid of everybody. Everybody. Agency. Mob, Cubans. You just talk to us on the record. We'll protect you. I guarantee it. It was a day that changed our lives. I saw a flash of light in the bushes, and that last shot. An act that shocked a nation. The smoke came from behind the hedge. A moment when time stood still. It seemed like people weren't even breathing, like you were looking at a picture. For one man, it became an obsession with truth. You're the DA in New Orleans. Don't you think the Kennedy assassination is a little bit out of your domain? A commitment to justice. Nobody's gonna tell me that kid did the shooting job he did from that damn bookstore. A sacrifice of everything he had. I think you care more about John Kennedy than your own family. For everything he believed. Nothing is gonna keep me from going ahead with my investigation of John Kennedy's murder. They tried to stop him from asking who. If I give you the name of the big enchilada, you know. Do I have to spell it out for you, Mr. Garrison? Then it's Bon Voyage Dino. They tried to keep him from asking why. That's the real question, isn't it? Why? The government's gonna jump all over your head, Jimbo. Why was Kennedy killed? By the same people that killed us, Pop. Nobody's gonna kill us. Who benefited? You have any idea what you're getting yourself into, Daddy-O? Who has the power to cover it up? Warner Brothers presents Kevin Costner. Now we're through the looking glass here, people. In an Oliver Stone film. White is black, and black is white. People got to know. I'm a dead man! I say let justice be done, though the heavens fall. there is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week, and you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous, but you let people go swimming anyway. It's all psychological. You yell barracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach? Yeah. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish. But I'll catch him and kill him. Did you hear your father? Out of the water now! This shark, swallow you whole. You're going to need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. 3 tons of them. He's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Now! Shoot! None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. See it before you go swimming. Superman 1 a montré au monde qu'un homme pouvait voler. Mais il y avait trois autres survivants de la planète Krypton. Trois hors-la-loi condamnés à vivre une mort éternelle dans la zone fantôme. Les voilà libres. Chacun d'eux possédant les mêmes pouvoirs que Superman. Je suis responsable que devant le président des États-Unis. Il est responsable devant moi. Il cherche à prendre le contrôle absolu de la planète Terre. Avec tout leur savoir accumulé, ces abrutis pourraient apprendre à se servir d'une poignée de porte. Il faudrait un miracle pour les arrêter. Prosterne-toi devant Zod. Superman, est-ce que vous m'entendez ? Aujourd'hui, l'aventure continue à Paris. Non. Et sur la Lune. L'idylle continue dans la forteresse de la solitude. Il y a une chose qui me semble plutôt bizarre. Chaque fois que Superman apparaît, toi, tu disparais. Et l'aventure continue aux chutes du Niagara. Et au cœur de Métropolis. J'aurais jamais pensé qu'il tiendrait la distance. Le défi le plus spectaculaire. Superman. Général, venez donc vous expliquer dehors, je vous prie. L'apothéose la plus inattendue d'une aventure fulgurante à travers l'univers. Si vous n'avez vu que la première partie, vous n'avez encore rien vu. Superman 2. L'armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible. Je vais tout vous dire, tout! Je ne doute pas. Lâchez-la! Fortune et gloire. Fortune et gloire. Je me boucherai les oreilles à ta place! Jones! Dépêche! Allez! Pour la première fois, l'intégrale Indiana Jones est enfin disponible en haute définition, remasterisée digitalement. J'ignorais que tu savais piloter un avion. Piloter, oui. Atterrir, non. Bel atterrissage. Merci. Et en version entièrement restaurée pour les aventuriers de l'Arche perdue. Il fallait que ce soit des serpents. Utilisant la pellicule 35 mm originelle de Steven Spielberg, une équipe d'experts a corrigé le moindre défaut technique, tout en préservant les effets sonores et l'authenticité de ce chef-d'œuvre. Avec 7 heures de bonus, retrouvez encore plus d'action, d'inédits, de scènes insolites, incluant un recueil d'archives, pour entrer dans les coulisses comme jamais auparavant. Et de nouveaux contenus exclusifs. Steven was really scared of the bridge. I couldn't go to the point of no return. Harrison, first time he got on the bridge, ran as fast as he could from one end to the other. Couldn't believe he did that, but he's Indiana Jones. Partager tes aventures est une expérience intéressante. Un seul nom définit le héros légendaire. Indiana Jones. Ne m'appelez plus Junior. Pourquoi que tu l'appelles Dr. Jones? Un seul format offre l'expérience ultime. Je vais rattraper ce camion. Comment? N'en sais rien, j'improviserai, j'ai l'habitude. Fie-toi à moi. Pour la première fois en Blu-ray, Indiana Jones, l'intégrale des 4 films, disponible le 19 septembre. Thank you.

Bienvenue à la Banque Mutuelle de Miami. Que puis-je pour vous ? J'aimerais encaisser ce chèque et aussi... Et aussi vous inviter ce soir à dîner. Vous êtes un pilote pour de vrai ? Un vrai de vrai, jeune fille. Le strapontin est libre. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça. Où est le strapontin déjà ? Le docteur Conner s'est demandé aux urgences. Le docteur Conner aux urgences. C'est la preuve irréfutable que l'accusé a menti. Agent spécial Enrati, FBI. Bonsoir, Carl. Vous serez arrêté, c'est comme à Las Vegas, le casino gagne toujours. Un cinglé se balade en avion en se faisant passer pour un pilote. On l'appelle James Bond du ciel. Hello, poupée. C'est de loin le rendez-vous le plus fantastique que j'ai eu avec une fille. C'est un gamin, c'est pour ça qu'il n'est pas fiché. 30 mg de codéine toutes les 4 heures. Vous confirmez ? Je confirme. Docteur Harris. Oui ? Vous confirmez ? Confirmez quoi, monsieur ? Je suis navré, madame. Votre fils fabrique de faux chèques. J'ai là un chèque de salaire que j'aimerais encaisser. Je travaille à mi-temps à l'église maintenant. Dites-moi combien il doit, je vais rembourser. 1 300 000 $. Je vais sélectionner 8 jeunes femmes qui deviendront les futures hôtesses de l'air de la Paname. Amérique du Sud, Australie, Singapour. Ils sont tellement parfaits que la banque ne voit pas la différence. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais m'excuser. Vous ne m'avez pas appelé pour vous excuser. Vous n'avez personne à qui parler. Je cherche votre fils. Jamais je ne livrerai mon fils. Si vous aviez des enfants, vous le sauriez. Arrêtez de me poursuivre. Je ne peux pas, c'est mon boulot. Tu vois tous ces gens qui te regardent ? Tout le monde se retourne sur ton passage en se demandant où tu vas ce soir. Où tu vas, Franck ? Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Monsieur, on va le laisser s'échapper. Non, Carl, vous le laissez s'échapper. Nobody had a better rain on my... Joyeux Noël! Je suis sur vos talons. Vous irez en prison. Faut d'abord m'arrêter.

Quand je revois mon enfance, je me demande comment mes frères et moi nous avons pu survivre. On a dû être la seule famille irlandaise de l'histoire à dire au revoir à la Statue de la Liberté au lieu de lui dire bonjour. Nous, on retournait en Irlande, où il n'y avait pas de travail, où les gens mouraient de faim et d'humidité. Corpus Christi. Moi, j'avais pas compris. Mais qu'est-ce que je pouvais savoir? J'avais que 5 ans, même pas 6. Arrêtez ce clapotis, retournez à votre place. Je ne crois pas que Jésus aurait aimé le temps qu'il fait à Limerick. Parce que s'il était né à Limerick, il aurait attrapé la phtisie et serait mort au bout d'un mois. La fin. Avez-vous écrit cette composition, la corde? Mais oui, monsieur. C'est les puces. Angela, il y en a partout. Pose le parfait. Si ta mère avait épousé un brave garçon de Limerick, eh ben, t'aurais pas des cheveux qui se dressent sur ta tête d'Irlandais protestant du Nord. Ça suffit, arrêtez maintenant. Je vais vous enlever le coup de la bagarre. L'allocation chômage est de 20 shillings et le loyer 6 shillings, ce qui laisse 14 shillings pour vêtir et nourrir 5 personnes. Pitié Dieu, faites qu'on ne soit pas aussi enlevé dans la boîte et mis dans le trou de la terre. T'as pas de fierté, Angela. Ne mendiez comme ça. Le bébé est malade. Il lui faut une boisson chaude. Si tu es trop grand seigneur pour ramasser du charbon sur la route, moi pas. Mais... Frankie, écoute-moi s'il te plaît. Tu ne dois plus laisser personne jamais te claquer la porte au nez. T'as compris? Oui, oui. Vous pouvez être pauvre. Vos chaussures peuvent être usées. Mais l'esprit... Votre esprit est un palais. Je vous en prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Silence.